va tourner dans l'Épître aux Romains et on est rendu au chapitre 12. Ce matin, il y a des passionnés. Il y a des passionnés ce matin qui ont démontré leur passion en allant quelque part de spécial aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Le Grand Prix. Des passionnés de la Formule 1 ce matin, savez-vous comment est-ce qu'il y en a qui vont aller? Ce matin, ils ont dit, ils ont dit ce matin, 300 000 visiteurs sont attendus aujourd'hui. Des passionnés. Personne ne les a poussés dans le dos pour se lever. Des passionnés. Savez-vous comment est-ce que ça va leur coûter pour la fin de semaine? Ils ont dit ça hier soir à la télévision aussi. 1000 piastres à peu près par personne pour la fin de semaine. Des passionnés. Passionné, sort le portefeuille, pèse, avec un gros sourire. Ah, je suis un passionné. J'aime ça, puis j'y vais. Je suis un passionné. C'est ce qu'on appelle des passionnés. Hein? Un passionné, c'est quelqu'un qui bouge parce qu'il aime quelque chose. Personne ne le force, personne ne le pousse. Il fait ce qu'il aime. Il est un passionné. Un homme qui s'appelait, il y a bien des années, qui s'appelait... Je pense que c'est John Knox, qui était en Angleterre. Il était passionné, lui, ici, pour autre chose. Un jour, sa femme se réveille, puis il n'est pas là. À la nuit de la nuit, il n'est pas là. Puis il se posait être là parce qu'il était là hier soir quand elle s'est couchée. Il n'est pas là. Elle se lève, elle cherche son mari dans la maison, elle ne le trouve pas. Et tout d'un coup, elle entend une espèce de murmure. Elle suit ça, puis elle le trouve à genoux, sur le ciment, recouvert d'une couverte, puis il disait, « Donne-moi l'Angleterre ou fais-moi mourir. » Et Dieu lui a donné des milliers d'âmes sont venues au salut par son ministère. On n'est pas tous des John Knox, mais on a toutes la même passion que lui. Dieu nous appelle peut-être pas tous à des milliers, mais on a toute la même passion que lui. Et John Knox était stimulé de la même façon que nous sommes stimulés. Il n'était pas un homme à part. Il n'était pas à part des autres. Il était un homme, un chrétien comme nous. Un passionné. Et ce que nous allons voir ce matin, un passionné pour les élus de Dieu. Qu'est-ce qui stimule? Je me suis posé la question ce matin, qu'est-ce qui a provoqué la passion de ces hommes et de ces femmes qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres, à dépenser des milliers de dollars, à se lever de bonne heure le matin, à faire les fils sous le soleil pour aller voir une course que moi je déteste parce que j'aime pas le bruit, ça me fatigue les oreilles. Mais eux autres, ils aiment ça. Mais qu'est-ce qui les a rendus passionnés? Je me suis posé la question ce matin, qu'est-ce qui les a mis cette passion dans eux autres? Dieu. Pas sûr que c'est Dieu. Ça pourrait être Dieu. Mais dans leur passé, à quelque part, ils ont acquis cette passion-là. C'est peut-être en faisant de la vitesse avec leur père. C'est peut-être qu'ils ont eu, dans leur jeunesse, un autosport. Moi et Émile, une fois, on est allé au salon de la moto à Montréal. Vous ne saviez pas ça? Je faisais partie d'une gang de motards quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas acheté non plus, hein? J'ai été visiter. Ça me rappelait des... Pas l'envie. Ça me rappelait des souvenirs de jeunesse. J'ai déjà eu une passion pour les motos. Elle le faisait avec passion. Donc, cette passion-là, et comment est-ce qu'on a vu ensemble dans les mois passés, dans les semaines passées, on a vu ensemble comment on est venu avoir de la passion, nous. Qu'est-ce qui a procuré en nous les passions? Qu'est-ce qui nous a poussé à être des passionnés? C'est les compassions de Dieu. On voit depuis 3-4 semaines que les compassions de Dieu ont fait de nous des gens passionnés. Passionnés, premièrement, pour Dieu. On est des passionnés de Dieu. On aime Dieu parce qu'il nous a donné de la compassion. On est des passionnés. On aime lire, on aime écouter de la musique chrétienne chez nous. On aime aller à une place où on entend des sermons. On est des passionnés de Dieu. On est des passionnés. Moi, Préal, vendredi matin, 5 heures, on était debout, on s'habillait, on s'organisait, on prenait un petit café en vitesse. Ma femme nous reconduit à Céréal. On a fait 1h30 d'auto, on s'est ramassé au congrès. Des passionnés de Dieu. On est passionnés de Dieu. On n'est pas des gens spéciaux, mais on voulait aller voir qu'est-ce que Dieu avait fait au Québec pendant l'année. Des passionnés de Dieu. C'est ça que c'est ça que ça veut dire. Personne ne nous a poussé. Ma femme ne m'a pas poussé en bas du jet. Elle a dit, vas-y donc, fatiguant, lève-toi. Mais non, j'avais mis mon cadran. On est des passionnés de quelque chose. Passionnés de Dieu. Deuxièmement, on a vu qu'on était des passionnés du peuple de Dieu. On est passionné pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. On veut être avec les autres chrétiens. On veut les rencontrer. On veut aller les aider à déménager. Non, c'est pas ça. Parce que je déménage bientôt, c'est pour ça que je dis ça. Là. On est des passionnés du peuple de Dieu. Là, si vous ne venez pas, je vais savoir que vous n'êtes pas passionnés. On est des passionnés du peuple de Dieu. On aime. Tout à l'heure, Paul est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour Paul. Parce qu'il y a un problème. On est passionné pour le peuple de Dieu. Personne ne nous pousse. Personne ne nous force. C'est les compassions de Dieu qui nous stimulent, qui nous poussent. C'est ça. Si ce n'est pas ça, savez-vous qu'est-ce que c'est que ça devient? Une religion. Tout simplement, clair et net comme ça. Si ce n'est pas la passion de Dieu, si ce n'est pas une passion qu'on a, c'est une religion qu'on pratique, tout simplement. Et ce matin, nous allons voir une autre chose. On va être des passionnés pour les élus de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la famille. Je me souviens, comme c'était hier, Lucie, elle a vu ça avec ses propres yeux. On l'a emmené quand elle est voir, quand elle est Flamme, on l'a fait monter sur le Mont Saint-Michel à Vitréville. Où est-ce que j'allais? Moi, bien des années, j'allais. Le dimanche matin, je montais sur le Mont Saint-Michel. J'allais prier là. J'allais prier là. Parce qu'on voyait toute la région de Vitréville. J'allais prier là. Prier pour ceux. Puis Dieu m'avait dit, j'ai encore des élus dans cette ville. Même si tout a, ça ne marche pas, il n'y a pas grand monde qui l'a sauvé. Non, non, non. J'ai encore des élus dans cette ville. Faites-en pas, mon François. Vous savez, ça fait 16 ans que je suis parti, il y a encore des gens qui sont sauvés là. Ça veut dire qu'il y en avait des élus, hein? Ça fait longtemps que je suis parti, ça fait 16 ans, puis il y a encore des gens qui acceptent le Seigneur. Donc, il y en avait des élus, là. Mais je suis certain qu'il y en a ici aussi, en entour de nous. Des élus pour Dieu. Et les chrétiens sont des passionnés pour les élus de Dieu. Et cette passion-là va être stimulée par les compassions de Dieu pour nous. Quand la passion baisse, qu'est-ce qu'on fait? On se tasse un petit peu, puis on médite sur les compassions de Dieu. Et la passion continue, on retourne travailler avec le Seigneur. Mais je vous dis, allez jamais du reculon. Faites pas ça comme un devoir. Faites pas ça comme quelque chose qui est ardu ou difficile, que vous n'aimez pas faire. Non. Plutôt restez à la maison et méditez sur les compassions de Dieu. Ça va devenir tellement fort, vous allez y aller tout seul après. C'est ça le stimulus, c'est ça qui nous donne la capacité de le faire, avec joie, avec bonne humeur, avec entrain. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Timothée 2,10, qui veut lire ça? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent une salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit, je supporte tout. Paul dit ça. Je supporte tout ce qui peut m'arriver pour les élus. Pour les élus de Dieu. La prison, le fouet, le rejet, n'importe quoi. Je supporte tout pour les élus. Titre 1-1. Piété. Paul était quoi? Un serviteur. Il a accepté de passer sa vie comme serviteur et comme envoyé, apôtre ou envoyé de Dieu pour les élus. Pas quand il est parti, qu'il était envoyé. Il savait que Dieu avait préparé devant lui des élus. Il dit, je vais être le serviteur des élus. Les chrétiens, c'est des serviteurs des élus. On sert les gens qui ne sont pas encore rendus dans le troupeau. 1 Corinthiens 9, 22. Je te fais de afin de garder les faits. Je il va loin, hein? Avec les faibles, je me suis fait faible. Avec les forts, je me suis fait fort. C'est pas marqué, mais on peut le dire comme ça, c'est la même chose. Puis il dit, je me suis fait tout et à tous pour en sauver quelques-uns. C'est tout ce qu'il dit. On voit la passion de Paul, hein? On ne voit pas un homme qui se fait sermonner pour, ou se fait bousculer pour faire de quoi. Il y a une passion. J'aime les gens passionnés, personnellement. Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. J'aime les gens passionnés. Parce que c'est tellement stimulant. C'est tellement stimulant quelqu'un qui est passionné. Pour n'importe quoi. Il va quasiment vous réussir à vous intéresser à n'importe quoi. Parce qu'il y a une passion. Hier, j'étais allé souper avec ma fille. Et mon épouse, parce que c'était ma fête à ma fille cette semaine, on est allé souper ensemble, et il y avait une petite mademoiselle qui venait nous servir. Et pendant les premières 5-10 minutes, plus elle venait à la table, moins j'avais de type pour elle dans ma tête. Elle n'avait pas cette passion de vouloir nous servir, et c'était fatiguant. Mais à un moment donné, elle a reviré le coin, puis elle avait un gros sourire. Je ne sais pas ce qui s'est passé là au bord, mais elle avait un gros sourire. Et là, elle est venue nous voir, ça va bien, merci, voilà, mon type remontait tranquillement. Savez-vous, là, quand quelqu'un est heureux et a une passion de quelque chose, ça influence tout le monde autour de lui. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Si vous êtes un passionné pour quelque chose, les gens autour de vous vont devenir aussi des passionnés souvent. Sans que vous leur disiez quoi que ce soit. Et ce matin, c'est ce que nous allons regarder ensemble un petit peu. On est au verset 12 de Romains. Non, on va être verset 14, excusez-moi. 14. Et l'apôtre Paul, il va dire des choses ici, et vous allez voir que peut-être certains de ces versets-là, vous pouvez peut-être les appliquer aux chrétiens. Je crois que c'est correct. Mais je crois que l'apôtre Paul avait en vue, c'est ma conviction ici personnelle, je crois que l'apôtre Paul ici s'adresse plutôt aux chrétiens face aux inconvertis dans l'ensemble. Mais on peut prendre certains principes qui sont universels, on peut les appliquer aussi dans l'Église, c'est bien entendu. Mais je crois qu'il y avait plutôt en arrière là, une pensée pour les chrétiens face à leur relation aux inconvertis. Verset 14, qui veut lire ça bien fort? Voilà. Il dit, qu'est-ce qu'il dit de faire, premièrement, le passionné de Dieu, comment, si j'ai une passion pour les élus de Dieu, ça va se manifester, premièrement, dans le fait que je vais les bénir, malgré qu'ils me persécutent. La persécution peut se manifester comment? Dans notre vie, alentour de la gens. Comment ça peut se manifester, la persécution? Ça peut être des paroles, hein? Ça peut être des paroles qui vont dire à notre sujet, qui peuvent être une forme de persécution. D'autres formes de persécution? C'est pas une persécution. Moi, mais comment ça va se revirer contre toi? Par des paroles, mais ça peut se revirer aussi d'une autre manière. Ça peut être des actions, hein? Ça pourrait être des actions. Ça pourrait être une action parce que tu es croyant ou que tu as témoigné de ta foi. Ça peut être des actions. Et ça peut être aussi de l'indifférence. On ne veut plus te parler. On ne veut plus être ton ami vraiment. Ça peut être une indifférence. Ça peut être l'indifférence. Ça peut être des paroles. Ça peut être des actions. Mais soyons attentifs. Écoutez bien ceci. Faisons attention que cette persécution-là ne vienne pas à cause de nous. Mais que la persécution vienne à cause de l'Évangile. Jésus a dit, ils vous persécuteront à cause de moi, à cause de mon nom. Des fois, ils nous persécutent, mais on n'a même pas commencé à parler. C'est parce que c'est nos actions. C'est notre façon d'agir qu'ils persécutent. C'est nos réactions à nous qu'ils rejettent, et pas l'Évangile. Combien de fois dans ma vie, j'étais persécuté, et ce n'était pas l'Évangile qui était en cause, c'était moi. juste mon approche, mon manque de respect, mon aigreur. Je les attaquais plutôt que de les aimer. Il faut faire attention que l'Évangile qui va venir dans leur vie va amener une réaction. Mais non pas moi, de ma façon d'être, qui va amener une réaction. Comment est-ce que je peux bénir quelqu'un? Parce qu'il dit, je vais le bénir. Il dit, bénissez-les. Bénissez ceux qui vous persécutent. On peut leur faire du bien. Bénir, c'est le mot bien. Comment est-ce que je peux faire ça? Essayons de trouver des choses concrètes dans notre vie, là. Pas juste dans les airs. Comment est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un qui vient nous donner une taloche? Aller l'aider, physiquement, matériellement, hein? Quand il déménage? Oui, ça peut être ça aussi. Hein? Ça peut être ça aussi. Quelqu'un vous... Prier pour lui, ça c'est une chose qu'on peut faire au moins, hein? Vous avez entendu dire quelque chose, quelqu'un vous a parlé dans le dos à cause de l'Évangile que vous avez partagé, humblement, respectueusement. Paul et Pierre dit toujours parler avec respect et douceur aux personnes. Et là, il y a une persécution qui vient parce qu'on n'aime pas Jésus. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul, quand il est tombé, là, en tout cas, s'il est tombé en bas de son cheval ou tombé à terre, il dit, qu'est-ce qu'il. Celui qui est apparu, il a dit quoi? Pourquoi me. On persécutait Jésus. Parce qu'il n'aimait pas Jésus. On persécutait Paul, mais c'est Jésus qu'on voulait atteindre. Les pharisiens, quand ils ont persécuté l'Église ou les dirigeants, ce qu'ils voulaient détruire, ce n'était pas l'Église. C'était celui derrière l'Église qui est Jésus-Christ. Il faut toujours se rappeler ça. Que la persécution n'est pas contre nous. C'est contre l'Évangile, contre Jésus-Christ. Et quand quelqu'un le fait, on peut au moins s'arrêter et commencer à prier. Puis je vous dis une chose, je vous encourage. Commencez tout de suite, parce que ce n'est pas long que l'amertume va se développer. N'attendez pas longtemps à commencer à prier. Quand vous entendez ou qu'on vous persécute, retournez pas chez vous, même dans votre char quelque part, sur le bord du chemin, commencez tout de suite à prier. Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Étienne à terre, en train de se faire tuer? Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne comprennent pas. Ils n'étaient pas enragés, ils n'étaient pas en colère. Ils prient. Pardonne-leur ce qu'ils viennent de me faire. Et il était en train de se voir les roches, lui, là. Puis il prie. Père, pardonne-leur à ces gens-là. Il y en avait un qui était là. Vous vous souvenez? Qui était là? Paul, Saul! Je ne sais pas si c'est la réponse à Étienne. Pardonne-leur. Et Paul a été pardonné par Jésus-Christ un peu plus tard. Il est devenu l'apôtre des gentils. On ne sait jamais ce que Dieu va faire. Quand mon frère est parti de chez nous, il avait témoigné de l'Évangile. Et il est arrivé, il n'était pas rentré chez eux, il a dit à sa femme, François, il va bien savoir, il est rebelle. Il n'a jamais pensé que je deviendrais son pasteur, vous savez, ce soir-là. Jamais il aurait pu s'imaginer dans sa tête que 2 ans après, je serais son pasteur. On ne sait pas le plan de Dieu. On ne connaît pas le plan de Dieu. Mais on sait qu'il nous dit, bénissez ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas évident, mes frères. Ça prend l'aide de Dieu. Ça prend l'aide de Dieu. Savez-vous, une fois, il y en avait un jour qui a prié pour moi aussi, pendant que je le persécutais. Son nom, c'est Jésus. Il était sur la croix, puis il a dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il priait pour moi à ce moment-là. Il priait pour moi. Le Seigneur a dit, François, il y a des gens qui vont te persécuter. Oui, ils vont le faire. Oui, ils vont le faire. De toutes sortes de manières. À cause de l'Évangile. À cause de mon nom. Mais il dit, bénis-les. Fais-leur du bien. Je me souviens d'un homme qui était venu me voir chez nous quand j'étais sur la ferme. Et cet homme-là, il était venu me demander un service. Et je ne pouvais pas y rendre à ce moment-là. Je ne pouvais pas y rendre. C'était impossible. Mais il s'est mis en colère contre moi. Il ne voulait plus me parler. Il ne voulait plus me jaser. C'était mon voisin d'en face. Puis c'était, la vie était difficile. Quand ton voisin d'en face ne veut pas te parler, la vie est difficile. Et un jour, il était en train, c'est un homme de 70 ans à peu près, il était en train de rentrer des slédoums, ceux qui connaissent les fermes, un peu des gros slédoums en bois, c'est pesant. Il était en train de rentrer ça dans son garage. Puis je voyais bien qu'il y avait de la misère. Et en dedans de moi, il y avait deux petites voix. Crève, mon vieux. Il y avait une autre petite voix qui disait, pas donc l'aider. Pas donc l'aider. Et ma femme me regardait, puis elle disait aussi, va donc l'aider, va donc l'aider. Mais elle, elle me connaissait, elle ne l'a jamais dit. Je la voyais dans ses yeux. Et je suis allé m'habiller par la grâce de Dieu, je suis allé l'aider. Je suis allé l'aider à rentrer ses cités dans son garage. Puis là, il dit, mais, il dit, pourquoi t'es venu? Il dit, viens prendre un café, François. Il dit, pourquoi t'es venu m'aider? Et il dit, c'est parce que Dieu m'a poussé à venir, parce que je ne voulais pas venir. Humainement parlant, je ne voulais pas venir. Dis, parle-moi donc de ton Dieu. J'ai parlé de Dieu à cet homme-là jusque sur son lit de mort pendant 10 ans après ça. Juste à cause d'une action qui a duré 2 petites minutes. Bénis celui qui te fait du mal, qui te persécute. Bénis-le. Fais-lui du bien. Il le mérite-t-il? Pas 5 cents. Mais quand tu as de la misère, rappelle-toi que Dieu te fait du bien tous les jours et tu ne mérites pas non plus. Hein? Il faut s'arrêter et dire, Seigneur, tu m'en fais bien du bien, toi, puis je ne le mérite pas non plus. Donc, il dit, la première chose, il dit, bénis-le, bénis-le. OK? Le verset 15 maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Hein? Qui veut lire le verset 15? Réjouissez-vous. 16 aussi, s'il vous plaît. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres. Merci. Donc, il dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se. Des fois, on appelle ça aux chrétiens, puis c'est bien. Mais je crois que Paul ici continue dans la même veine avec les inconvertis. Je me souviens une fois, j'étais allé à un salon funéraire, et il y avait quelqu'un qui était mort, et la famille pleurait, ils n'étaient pas des chrétiens, la famille était triste, ils étaient abattus, ils étaient découragés, c'était difficile, je les comprends, c'était difficile. Mais moi, dans ce salon, j'étais pas sage, comme il dit, là, j'étais pas sage. J'essaie de parler de Dieu afin qu'il se réjouisse, mais ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Alors, il a fallu que je fasse quoi à ce moment-là? Pleurer avec eux autres. C'était ça qui était le temps de faire. C'était pas de leur parler de Jésus, puis fais-toi-en pas, puis si tu aimerais Jésus. C'était pas le temps. C'était de pleurer avec eux autres. Juste, aller juste m'assire avec eux autres, mettre le bras autour du cou, puis les, juste broyer, dire rien d'autre, juste m'attrister avec eux autres. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a rencontré 1 million, là, dites-leur pas, « Hey, attache-toi pas à ça, c'est le Seigneur, ma joie. » Dites pas ça! Dites-leur, « Je suis content pour toi, je suis heureux avec toi, je me réjouis avec toi que Dieu t'ait donné une maison, un enfant. Réjouissons-nous avec eux autres. » Faisons une fête pour eux autres si c'est le temps. Faisons quelque chose. Ayons de la joie avec eux autres au lieu de dire, « Ah, mais là, ils vont dire, quel rabat-joie ce Baptiste-là, quel fatiguant avec ses affaires. » Il dit, « Pleure avec ceux qui pleurent, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Pleure avec eux autres. Réjouis-toi avec eux autres. » Cette semaine, j'étais avec, j'étais au gym, et Ronald, un ami que j'ai là, un contact que j'ai là, il m'annonce que son frère vient de faire un ACV, assez forte. Il y a un coyote qui a monté sur un bord, il avait fait un ACV, puis une journée après, un coyote sur l'autre bord, puis il a fait un autre ACV, il est tombé dans le coma. Et là, la famille, il a 61 ans, la famille dit, on va le débloguer. Parce que là, ça faisait 2-3 jours, le médecin ne reviendra pas. S'il revient, il va être, on appelle ça un légume, on peut dire, il va être comme ça. C'était pas le temps de dire d'autre chose que de dire, hé, que je suis triste avec toi. Je l'ai pris par le cou. J'ai dit, je comprends ça. C'est pas facile. Perdre des gens qu'on aime, c'est pas facile. Juste s'attrister. Puis j'ai dit, je vais penser à toi pendant la fin de semaine. J'ai pas dit, je vais prier pour toi. Parce que je sais, je le connais. Il n'est pas rendu à ce stage-là encore. Mais je sais que que ça lui a fait du bien que je pleure avec lui un petit peu. Quand les inconvertis ont des chagrins, allons pleurer avec eux autres. Quand ils ont de la joie, réjouissons-nous. Vous avez un voisin qui arrive, vous achetez une belle maison neuve, allez l'aider à déménager! Ou allez lui offrir un petit bouquet de bienvenue. C'est un bel événement dans sa vie. T'sais, il a fait l'idée d'avoir une maison. Il vient de s'acheter une maison. Réjouissez-vous avec lui. Il faut bien faire des farces, des fois, un petit peu, hein? Mais n'oublie pas ça. Réjouis-toi avec celui qui pleure. Réjouis-toi avec celui qui est dans la joie. Et pleure avec celui qui est triste. C'est une façon de montrer notre passion pour lui. On est un passionné. On l'aime, cette personne-là. Une autre chose, verset 16 dit, « Soyez humbles dans vos relations. Soyez humbles avec les inconvertis. » Notre tendance, frères et sœurs, je vous le dis parce que je le vis, c'est d'être orgueilleux. On a tendance à être orgueilleux de ce que Dieu a fait dans notre vie. Puis plus on est vieux que ça, plus c'est dangereux que ça arrive comme ça. Je m'écoutais parler, puis je vous écoute parler, puis j'écoute des chrétiens parler des fois. On manque un petit peu de compassion pour l'inconverti. On pense qu'on est un petit peu meilleur. On pense qu'on n'a pas mérité, mais il ne faudrait pas que vous soyez humbles dans vos relations les uns avec les autres. C'est tout bon. C'est bon avec les chrétiens, mais c'est bon aussi avec les inconvertis. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de leur dire qu'on était comme eux. Prenez le temps de leur dire quand vous voulez leur témoigner. Je crois que c'est une des raisons pourquoi Jésus a dit à toutes les gens qui ont guéri ou qui ont fait du bien, qu'est-ce qu'il leur disait? Va leur dire ce que j'ai fait pour toi en premier. Ça va t'humilier devant lui. Ça va t'humilier dans leurs yeux. Tu ne passeras pas pour un prétentieux que toi, tu es correct. Parce que la première fois, j'avais dit à mon beau-père, « Je suis sauvé! » Et mon ami, savez-vous qu'est-ce qu'il dit? « Espèce de prétentieux! » J'ai oublié de lui dire quelque chose à quelque part, là, pour qu'il comprenne que c'était une grâce qui m'avait été faite à quelque part. Hein. C'est tout que je crois que Jésus a dit ça, « Va leur dire ce que j'ai fait pour toi en premier. » Avant de leur dire qu'est-ce que Dieu serait prêt à faire pour eux. Tu es un pécheur, tu es perdu, repens-toi. Puis toi, c'est ça qu'il pense, puis toi, tu n'as pas besoin de te repentir. Mais si tu lui as dit avant, il va se voir un peu comme toi. Il va s'identifier à toi. Il va dire, bien là, au moins, il ne s'est pas mis un piédestal, puis tu sais, moi, il m'a fait une grâce. Tu sais, là, j'étais sauvé, mais tout, j'étais un perdu, mais tout, j'étais un pécheur. Et là, tu donnes ton témoignage à cette personne-là. C'est très bon, très bon. N'ayons pas peur d'utiliser notre témoignage. On n'utilise pas ça souvent. Hein? Mais l'apôtre Paul, devant la crème d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre 22? Il a donné son témoignage. J'étais comme vous, je m'en allais à Damas, je tuais les chrétiens. Je les faisais blasphémer. J'étais un rebelle. Puis il s'identifiait qu'eux autres, là, bien facilement. Puis Dieu, dans sa grâce, est venu me rencontrer. C'était bien de faire ça. Je crois que c'est bien de faire ça. N'oublions pas, c'est tellement simple, ça ne prend pas un cours de théologie, ça me bec, ça. Là, je viens de lancer ça en François. Mais c'est bon, ça me bec. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Et une façon d'être capable de s'humilier devant les inconvertis, c'est de méditer sur des certaines vérités qu'on appelle l'élection et la prédestination. Si vous êtes sauvés, c'est parce que Dieu est venu vous chercher, vous ne méritiez pas. Rappelons-nous de ça. Si je suis sauvé, ce n'est pas parce que j'étais une bonne personne, ce n'est pas parce que j'étais bien, j'étais comme eux autres, j'étais de la même façon. Soyons humbles dans nos relations avec les inconvertis. Ils ont besoin de cela. Moi, ça me frappe de voir Jésus. Je sais que ça vous frappe aussi de voir Jésus. Mais s'il y en a un qui aurait pu se péter les bretelles et marcher la tête haute, ça aurait été lui, hein? Mais s'il y en a un qui était humble, c'était bien lui. Les gens les plus bas de la classe sociale se tenaient avec lui et se sentaient bien. se sentait bien. Pourtant, il était pécheur. Faisant pas, Jésus savait comment leur dire aussi. Mais il se sentait bien. Je ne sais pas comment. Il me semble que j'aimerais ça. Hey, des fois, j'aimerais ça d'être assis là et dire, Seigneur, fallait donc que je te regarde faire quelquefois. Pour être le Dieu du ciel et s'asseoir avec des putains, des voleurs, ça c'est. Puis ils se sentent bien avec lui. Ils ne sont pas tous sauvés encore, vous savez, quand ils s'assient avec lui. Pourtant, ils se sentent bien. Fait que Jésus avait une façon de leur amener l'Évangile qu'ils se sentaient bien, malgré qu'ils étaient des pécheurs. Ils ne se sentaient pas bien avec des pharisiens. Mais ils se sentaient bien avec Jésus. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Verset 17. Qu'est-ce qu'on voit au verset 17? Qui veut lire verset 17? Allez-y, quelqu'un. Je ne l'ai pas au tableau parce que mon ordinateur vient de faire bel écran. Je ne veux pas passer dans les mains. Qui veut lire verset 17? OK, c'est ça. On va lire jusqu'à 21. Continue, Marcel, jusqu'à 21. Il est possible de faire tout ça dans le monde. Soyez en paix avec tous les hommes. Par contre, même si vous m'aimez, il y a des pièges de la colère, car je suis à moi d'entendre, c'est moi qui ai dit. Il dit que la dernière chose, la passion que j'ai pour les inconvertis va se manifester aussi dans le fait que je vais être en paix avec eux. Il dit, soyez en paix avec tous les hommes. D'être en paix avec eux autres. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. On vous a persécuté, on vous a fait ci, on vous a fait ça, on va vous attaquer, on va vous mettre en prison. Paul dit, nous autres, on va nous arriver toutes sortes de choses dans nos familles à cause de Jésus. Mais il dit, soyez en paix avec eux. Soyez en paix. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour être en paix? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour avoir la paix? Cette semaine, je parle avec quelqu'un, pendant que je tapais un petit peu du pied, là. Et j'ai 54 ans bientôt. Et une des choses les plus importantes pour moi, c'est avoir la paix. Il y a bien des choses qui sont devenues moins importantes avec les années. Mais je veux avoir une vie paisible. Je fais tout ce qui est possible, me semble, pour éviter la chicane, à quelque part, parce que je veux avoir la paix. L'apôtre Paul dit, soyez en paix avec vos voisins, avec vos amis. Vous vous souvenez, dans l'Épître aux Corinthiens, à un moment donné que les chrétiens se chicanaient entre eux autres, puis se traînaient en cours entre eux autres en plus. Se traînaient en cours, entre chrétiens. Et l'apôtre Paul, il dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller un petit peu? Pas mal d'aller en cours. Peut-être vous dire que c'est mal d'aller en cours. Mais il dit, pour avoir la paix, ça serait peut-être bon même de laisser tomber certaines choses. Accepter peut-être quelques pertes pour avoir la paix dans l'Église, ou la paix avec les inconvertis, ou la paix avec votre femme, vos enfants. Et soyez prêts à perdre quelque chose. Soyez prêts. Il y a un inconverti un moment donné qui m'a demandé de lui prêter d'argent. C'est un inconverti que je connaissais, un ami. Et j'ai passé un montant d'argent, mais il ne le remettait pas, finalement. Je ne vous dis pas ça parce que, pour me glorifier, je dis ça pour la gloire de Dieu. Donc, quelques mois après, j'ai écrit une petite lettre et je lui ai dit, j'aimerais que tu vives en paix aussi. Et l'argent que tu me dois, je te la donne. Tu ne me la dois plus. Vis en paix, mon ami. Parce que moi aussi, je veux vivre en paix. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir la paix? Parce que je savais que cet inconverti-là m'évitait parce qu'il me devait de l'argent. Puis il n'en mettait pas. Puis je ne voulais pas qu'il m'évite. Je ne voulais pas qu'il m'évite. Moi, je voulais avoir la paix avec lui pour pouvoir vivre avec lui. Des fois, on peut être prêt à perdre même des sous avec quelqu'un juste pour avoir la paix. Quand je me suis converti, avant de me convertir, j'avais acheté une antenne de TV. Je l'avais posée chez nous moi-même pour économiser des sous. Je ne l'avais pas fait poser, je l'avais posée moi-même. J'ai planté ça là, avec mes capacités que j'avais. Quelque temps après, est venu un orage. Et mon antenne a foutu le cap par terre. Un blagne à terre. D'à peu près 20 pieds, 25 pieds, tombe à terre. Tout, scrap, maintenant. Et je ne l'avais pas encore payé. J'avais le compte, et ça venait. Donc, j'ai cru au cœur, il dit, Et pas vendre ton antenne. Et il dit, elle va me casser une cochon, puis elle a cassé, puis elle tombe à terre tout seul. Là, il m'a envoyé des comptes, puis je ne payais jamais. Je ne payais jamais. Je n'ai jamais payé. Cinq ans après, je me convertis. Je passe devant M. Levasseur, j'arrête. Et je m'envoie dans le petit magasin pour lui payer son antenne. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il ne me connaissait même pas. Là, je dis, c'est François Nollet. Là, il me regarde, mais il dit, je vous dois une antenne de TV. Il dit, attends un peu. Ben, il dit, oui, c'est vrai, ça. Mais il dit, je t'avais mis de côté. Là, il dit, je viens vous payer. J'ai payé, puis j'ai donné de l'intérêt. Il dit, pourquoi tu fais ça après 5 ans? Tu t'avais oublié. Parce que je suis devenu croyant. Puis j'aimerais que si je vous rencontre sur la rue, que vous me fassiez capable de me faire des sourires, puis si je vous parle du Seigneur, vous êtes capable aussi de l'accepter. C'est juste pour avoir la paix. Parce que le but d'avoir la paix, c'est quoi, là? C'est pas d'avoir la vie facile. Le but d'avoir la paix avec tout le monde, c'est qu'on peut parler à tout le monde qu'on rencontre. N'importe qui qu'on voit, on peut lui dire, est-ce que vous avez des gens avec lesquels vous ne pourriez pas lui parler du Seigneur? Amis, mes frères, mes sœurs, réglons ça tout de suite. N'importe qui que vous connaissez, que vous ne seriez pas capable de lui donner la main et de lui parler du Seigneur, réglons ça tout de suite, autant que possible. Autant que ça dépend de toi. S'il ne veut pas te voir, c'est une autre affaire. Mais autant que ça dépend de toi, règle ça. Sois en paix. Fais-lui du bien. Prends ton temps. Il ne veut pas tout de suite, persévère. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, il va vouloir. Mais ne privons pas quelqu'un d'entendre l'Évangile parce qu'il nous en veut ou parce que nous, on y en veut. Soyons en paix avec tout le monde. Combien de gens que j'ai écoutés dans ma vie chrétienne en tant que pasteur ou en tant qu'évangéliste ou en tant que dirigeant d'église, j'ai rencontré, puis je leur ai dit, parce qu'ils avaient été divorcés à quelque part dans leur cheminement, je leur demande tout le temps, as-tu été réglé avec ton conjoint? Es-tu en paix avec ton ex-conjoint? Es-tu en paix? Pourrais-tu le rencontrer et lui parler du Seigneur? Autant qu'il en dépend de toi, sois en paix. S'il ne veut pas, mon affaire. Mais il ne devrait pas t'en vouloir parce que tu as fait un coup croche. Si tu en as fait un coup croche, ça se pourrait bien que tu en aies fait un coup croche. Demande-lui pardon et règle ça. On devrait être en paix avec les gens autour de nous. Autant que ça dépend de nous. Parce qu'on est des passionnés. On veut les atteindre pour le Seigneur Jésus-Christ. On veut leur parler du Seigneur. Et surtout, si c'est un de vos amis, dans votre parenté, dans vos frères et sœurs, de vos enfants, soyez en paix. L'apôtre Paul dit, supportons quelques malaises, supportons quelques pertes s'il le faut. Supportons-nous de perdre quelque chose s'il le faut. Mais soyons capables d'aller, autant que Dieu nous donne la grâce, d'aller les voir et de demander pardon, de régler ça, afin qu'on puisse les rencontrer et de leur faire parler du Seigneur. Ils vous ont fait du mal? L'apôtre Paul dit, combattez le mal par le bien. Des petits gestes inattendus. N'importe quoi pour refaire la relation tranquillement. Et peut-être un jour, si c'est pour vous, ça pourrait être peut-être quelqu'un d'autre qui le rencontre. Mais il ne fermera pas la porte parce qu'il y a un baptiste qui a fait du tort avant. Autant qu'il en dépend de nous. Ce n'est pas toujours capable. Ce n'est pas toujours facile, là. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas. Mais s'ils ne veulent pas, un homme, un jour, on s'est fait de quoi? Et j'avais fait du tort. C'était à moi de régler. Mais il ne voulait pas me rencontrer. Mais j'avais écrit une lettre. Hein. Faisons tout ce qu'on peut. Faisons tout ce qu'on est possible pour essayer de parler, de rencontrer, pour régler autant qu'il en peut. Afin d'être en paix avec les autres. Il y a un petit verset qui dit, là, il dit quoi? Il dit, ça va être des charbons ardents sur sa tête. Comment vous interprétez ça? De deux façons. Plus vous faites du bien à celui que vous faites du mal, on parle de l'inconverti, c'est dans le contexte, il y a deux façons que les théologiens prennent. Un, c'est le charbon ardent, là, c'est la colère de Dieu qui va le terrasser. Moins il va être capable de se justifier devant Dieu et dire, je ne savais pas, oh, non, tu vas y avoir fait du bien, malgré le mal qu'il t'a fait. Ou, il y en a d'autres qui vont dire, c'est ça qui va le pousser à la repentance. Parce que quand on se repentait dans cette semaine, on se recouvrait de cendres. On se mettait de la cendre sur la tête. C'est une façon de, c'est un signe de repentance. Donc, ça peut être un signe de jugement ou un signe de repentance. Mais les deux sont corrects. Les deux sont corrects. Plus vous allez faire du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal, plus vous le poussez vers Dieu. Il y a un verset qui dit quoi dans Romains? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et la bonté du croyant envers quelqu'un d'autre va pousser l'autre à la repentance. Des fois, c'est plus intéressant de faire ça que de commencer à parler. Réglons ça, après ça, on parlera. Vous avez blessé quelqu'un? Dans vos familles, vous avez été peut-être comme moi, H-Baptiste, qui faisait ça sur tout le monde, qui n'entendait pas l'Évangile. Réglez ça, allez les voir, demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon. Allez leur parler. Je me suis mal pris. Je pensais que c'était correct, mais j'ai mal fait. Je n'étais pas écouté, j'étais agressé. Demandez-leur pardon. Ça va ouvrir une porte pour leur parler du Seigneur une autre fois, quelque part. On est des passionnés. Faites-le pas parce que François le dit. Faites-le parce que vous êtes un passionné de Dieu. Un passionné pour le peuple de Dieu et un passionné pour les élus de Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Ce matin, nous avons vu que nous pardonnons parce que tu nous as pardonné le premier. Et là, on vient de voir que nous voulons faire du bien à ceux qui nous font du mal, parce que c'est ça que tu nous as fait, toi aussi. Et c'est ça que tu continues à faire. Nul de nous ne méritons ton amour et tes bienfaits. Mais tu nous fais du bien continuellement. Aide-nous. Seigneur, peut-être que tu nous as convaincus de quelque chose aujourd'hui. Peut-être que dans notre cœur, nous avons pensé à quelqu'un avec lequel on n'est pas en paix. Quelqu'un qui nous a fait du tort, qu'on ne bénit pas. Que par ton Esprit Saint, tu puisses nous aider à trouver qu'est-ce qui est le mieux à faire. Qu'est-ce qui est bien à faire. Aide-nous d'être en paix avec tous ceux qui nous entourent, autant que ça dépend de nous. Glorifie-toi en nous cette semaine. Glorifie-toi dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos épouses, nos époux. Glorifie-toi parmi les, au travail, à l'école, dans nos temps de vacances qui s'en viennent. Glorifie-toi. Nous sommes là pour cela, pour que tu sois glorifié. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.